voulais être un opossum pour voguer sur les étoiles, les miennes, pas celles des hommes, sur les étoiles animales. Et même si ça fait mal, j'utiliserai mes griffes. Mais si je tombe dans le sable, c'est que le ciel est sélectif. Ma transformation est acquise, je suis ce que j'ai voulu être. Peu à peu ma pensée s'excise, et c'est maintenant que je regrette. Je suis un opossum qui aurait voulu être un homme, parcourir le ciel en grimpant sur une échelle. Je suis un opossum qui aurait voulu être un homme, parcourir le ciel en grimpant sur une échelle. On a conscience de notre chance une fois qu'on ne l'a plus. Le ciel n'était pas immense, enfin moins que je l'aurais cru. Y a pas d'étoile animale et surtout pas d'été indien. Mais je crois bien qu'au final, je ne suis rien qu'un sous-chien. Je suis un opossum qui aurait voulu être un homme et parcourir le ciel en grimpant sur une échelle. Je suis un opossum qui aurait voulu être un homme et parcourir le ciel en grimpant sur une échelle. J'ai rêvé être un homme, même si je n'en suis plus sûr. Malgré mes efforts d'opossum, je me rappelle plus de l'étage du dessus.